Il met dans sa ligne de mire Breton, racaille et pire tout pire. Il place bien dans sa lunette ceux qui lui font pas la courbette. Quand il regarde dans le rétro, c'est du maréchal, nous voilà. S'il dit métro, boulot, dodo, c'est pour en faire son grand credo. Un coup dans le rétro, un coup dans le viseur, c'est comme ça que Sarko aux élections fait son beurre. Un coup dans le rétro, un coup dans le viseur, c'est comme ça que Sarko est dans ton téléviseur. Il règle son rétroviseur pour injecter de bons gros leurres, comme Léon Blum et Jean Jaurès, et quantité de grandes promesses. Quand ça lui prend, il te dégonne les préfets qui font pas sa conne. Quand il n'aime pas un journaliste, il met son nom sur une liste. Un coup dans le rétro, un coup dans le viseur, c'est comme ça que Sarko aux élections fait son beurre. Un coup dans le rétro, un coup dans le viseur, c'est comme ça que Sarko est dans ton téléviseur. Il choisit toujours pour cible les faits divers les plus sensibles, les plus faibles et les plus malades, qu'il n'invite jamais à sa table. Quand il regarde en arrière, il nous montre son gros derrière. Pour nous dire qu'il nous pète au nez, il pistonne son fils cadet. Un coup dans le rétro, un coup dans le viseur, c'est comme ça que Sarko aux élections fait son beurre. Un coup dans le rétro, un coup dans le viseur, c'est comme ça que Sarko est dans ton téléviseur.